والكافرون كفر دون كفر. وقال هي فيه كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الاثر اخرجه الطبري والحاكم في المستدرك، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيميه المجلد السابع. ووجه الدلاله انه سمى هذا كفر، ولكنه ليس بكفر ينقل عن المله، فليس كفرا بالله وملائكته ورسله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث صحيح وسبق تخريجه. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh? La preuve. C'est la preuve de quoi? Mais la preuve de cette cinquième règle, qui est laquelle? Et qui d'ailleurs peut nous rappeler peut-être les quatre règles qu'on a déjà vues. La règle numéro 1, c'était quoi? C'est que le takfir haqqulillah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le takfir est à droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième règle, que le kufr, la mécréance est de deux types, qu'il y a une mécréance majeure et une mécréance mineure. Troisième règle, لما ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفر. أن من ثبت إسلامه بيقين كيف لا نحكم عليه بكفره إلا بيقين. Que celui dont l'islam a été établi de manière avec certitude, on ne peut le juger mécréant qu'avec une certitude. On avait expliqué cela, il avait apporté une raison au Qara'i Fiqhiyya, hein, et on avait parlé de cela en détail. Et puis, quatrième règle. Quand il y a Ijtami Ahtiqad Muslim, Kufrun wa Iman, wa Ta'a wa Ma'asiyah. Qu'il se peut que dans le cœur d'un musulman se regroupe une mécréance et une foi, une désobéissance et une obéissance. On avait dit que le sens de mécréance était quoi? C'est la mécréance mineure. On avait expliqué cela. Et maintenant, la cinquième règle, c'est celle-ci. Et le cheikh dit donc la cinquième règle sur le tekfir, la mécréance et l'association peuvent être citées dans les textes de la législation sans avoir pour sens ce qui fait sortir de la religion ni ce qui annule l'islam. Et la preuve de cela, ce qui était rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, ici dans le livre, radiallahu anhuma, qu'il a dit au sujet de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Surat al-Ma'idah, verset 44. C'est un hadith que je vous conseille d'étudier parce que c'est un fondement parmi les fondements déjà de la sunna du consensus. Ce n'est pas la mécréance vers laquelle ils vont, mais c'est une mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. C'est une mécréance sous la mécréance innama huwa kufrun duna kufr. C'est-à-dire une mécréance mineure. Et il a dit, c'est une mécréance de sa part, ce n'est pas une mécréance en Allah et ses anges et ses livres. Et ce hasard, il est rapporté par At-Tabari. C'est qui At-Tabari? C'est un grand tafsir. Le Coran, volume 10, page, il avait un tafsir At-Tabari qui est très connu, page 355-356, et Al-Hakim, un grand muhadith, un grand savant de la sunna, qui a écrit Al-Musadrak. On pourrait parler un jour de pourquoi il l'appelait Musadrak, et c'est quoi le Musadrak à la base, etc. Al-Kulihal, volume 2, page 313, et voir Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 350-351. Le cheikh dit ici, c'est important de comprendre pour les frères et sœurs ici, c'est qu'on a une cinquième règle, il fait une preuve pour cette règle, et bien maintenant, il convient de faire quoi? De voir ce qu'on appelle Wajid Dalala. C'est très important, c'est quelque chose que j'insiste toujours. Dans les cours, etc., il faut être capable de savoir c'est quoi Wajh al-Dalala avec quelque chose. C'est-à-dire que tu avances quelque chose, mais tu avances une preuve pour prouver ce que tu avances. Eh bien, c'est quoi le témoin argumentatif dans ta preuve pour ce que tu avances? D'accord? Eh bien, le témoin argumentatif ici est qu'il l'a appelé mécréance, mais que ce n'est pas de mécréance qui est fait sortir de l'islam. Donc, ça prouve bien que le titre de la cinquième règle est quoi? Qu'il se peut que dans les textes de la législation, quoi, la mécréance et l'association soient citées sans qu'ils aient pour autant le sens de ce qui fait sortir de l'islam, hein, de la religion et annule l'islam. D'accord? Donc ça prouve bien pourquoi, parce que de la base, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a appelé mécréant, mais il a dit que c'est mécréant mécréant sous la mécréant. Et regardez, sa parole est très claire. Le témoin argumentatif est qu'il l'appelait mécréant, mais que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Et donc, que ce n'est pas une mécréance en Allah et en ses anges et en ses messagers. Et d'après Abdallah ibn Mas'ud, encore une autre preuve, quand à la grecque, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. Donc il a appelé quoi? Le fait de combattre comme une mécréance. Or on a dit que ce n'était pas une mécréance majeure, sauf si tu crois que voilà, c'est un tihlal, tu crois que c'est licite. Et Cheikh dit que c'est un hadith authentique dont nous avons déjà rapporté les références. Puis il continue en disant, قال الترمذي رحمه الله ومعنى هذا الحديث قتال الكفر ليس به كفرا مثل الارتداد والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. Ici, il fait un point par rapport à ce premier hadith ici. أخرج أحمد في المسند والترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل وابن ماجه في كتاب الديات باب من قتل عمدا فرضوا به الدية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث قال الترمذي عنه حسن غريب انتهى كلامه رحمه الله والحديث حسن والألباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند وكلام محقق المسند. Je continue après, on fera tout en français, Inch'Allah. وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ كُفْرًا لَوَجَبَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاغُوتٍ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد السابع. Donc ici, il rapporte une parole de Tirmidhi. C'est qui Tirmidhi? C'est un grand savant de la communauté, Abu Isa Tirmidhi, رحمه الله, qui a notamment écrit le Sunan. C'est un termini que Charles Albani a corrigé. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le sens de ce hadith, quel hadith? Hadith de qui? D'Abdullah. Le sens de ce hadith est le combat. Le combattre qui? Un musulman. Pourquoi? Parce que le hadith dit que insulter un musulman, le musulman est une quoi? Perversité. Et le combattre est une mécréance. Non. Le combattre est une mécréance, mais pas qu'il a une mécréance comme l'apostasie, et la preuve de cela est ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, celui qui a été tué de manière intentionnelle. La famille du tué a le choix. S'ils veulent, ils tuent, ou s'ils veulent, ils pardonnent. Avant de continuer, on va rapporter le tahrij de ce hadith-là déjà. Il est rapporté par un Tirmidhi dans le Sunan, donc Tirmidhi lui-même, libre des prix du sang versé, Kitab al-Diyat, qu'on appelle Kitab al-Diyat. Chapitre de ce qui a été rapporté sur le prix du sang versé et combien de chameaux, c'est numéro 1387, et Ibn Majah aussi dans la Sunan, livre des prix du sang versé aussi, qui est avec Diyad, chapitre de celui qui a été tué de manière intentionnelle, et il doit accepter le prix du sang, numéro 2626. D'après le hadith d'Abdullah ibn Amr, qu'elle les agrée tous deux. Et il me dit qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce hadith? Hadith Hassan al-Gharib. Pas trop rentrer dans le Moussal al-Hadith, qui normalement chaque salafi doit au moins étudier un ou plusieurs livres dans le Moussal al-Hadith, et Cheikh Mohamed Ahmed Jami, je vous conseille vivement une cassette aux frères et aux sœurs, et une cassette qui est en fait en deux audios ou en deux parties, qui se retrouve sur son site, que j'ai tweeté d'ailleurs hier, qui est Kefanurati Shababana. Al-Tawati Ilallah, c'est comment éduquer nos jeunes sur l'appel à Allah Azzawajal, et il conseille dès le début les livres auxquels on doit éduquer nos jeunes. Parmi les choses qu'il dit, il dit qu'on doit étudier un certain mot dans chaque, dans Tijoui, dans le hadith, etc. Et ici dans le Moussalah, Al-Bekouniya, par exemple. Donc si vous voulez savoir ce qu'est hadith Hassan al-Gharif, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous donne des références. Cheikh Al-Wahid al-Abbad et Cheikh Abdelkarim Mourad, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont écrit un livre dans le Moussalah pour l'Université de Médine, on en a déjà parlé dans des cours précédents, qui s'appelle Fi Aqrab al-Minah min Moussalah. Il en parle et il dit c'est quoi les différents avis, pourquoi le Tirmidhi, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de Hassanun Gharib et Hassanun Sahih, etc. D'accord? Cheikh Al-Bani en a parlé dans d'autres livres aussi. À la cour des hadiths, le Tirmidhi a dit que c'est un hadith Hassanun Gharib. Et ce hadith, il a été jugé Hassan justement par Cheikh Al-Bani, rahimahullah, dans l'authentification du Sunan Tirmidhi et aussi par ceux qui ont corrigé Al-Musnad. Parmi ceux qui ont corrigé Al-Musnad, l'imam Ahmed, vous avez qui? Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi. Maintenant, quand il dit la parole, je répète plus le début comme ça, vous gardez le sens. Et le sens de ce hadith, qui est ? Quel hadith ? Le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Sibab al-Muslimi, Fusuq, wa qitaluhu, le fait d'insulter un musulman. Et quoi ? Le musulman est une perversité et le fait de le combattre est une mécréance. Et c'est qui dit le sens de ce hadith est ? C'est le midi lui-même. Parce que ça va dans son sonnet, il fait des petits ta'liqat. D'accord ? Et le sens de ce hadith est de combattre une mécréance, mais pas qu'il a une mécréance comme quoi ? Comme l'irtidad, l'apostasie. Et la preuve de cela est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il avait une preuve lui-même sur ce qu'il avance. Celui qui a été tué de manière intentionnelle, regardez le fiqh des ulama. Celui qui a été tué de manière intentionnelle, la famille du tué a le choix. S'ils veulent, ils tuent, ou s'ils veulent, ils pardonnent. Et maintenant, il m'a expliqué. Il dit, et si le fait de tuer était une mécréance majeure, cela aurait alors été obligatoire. Et il a été rapporté d'Ibn Abbas, de Tawud, de Afa, et de plus d'un parmi les gens de science, qu'ils ont dit, une mécréance sous la mécréance. Kufr de la Kufr, c'est un affaire que vous connaissez maintenant. Une mécréance mineure. Et une perversité sous la perversité, c'est-à-dire une perversité mineure, qu'on avait dit qu'il y a un grand vol. Et un vol majeur, une injustice majeure, une injustice mineure. Il y a une perversité majeure, une perversité mineure. Et il y a une mécréance. Quoi ? Majeure et une mécréance mineure. Donc il a dit une perversité sous la perversité, une perversité mineure, et c'est fin de citation. Charles Al-Bani, rahimahullah, dans une cassette, quand il parlait avec quelqu'un qui avait des cheveux de textile, et qui disait qu'il y avait 15 genres de dhulm, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis du hadith du prophète, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Voir dans Sunan, livre de la foi, chapitre de ce qui a été rapporté sur le fait qu'insulter un musulman est une perversité, juste après le hadith numéro 2635. La parole de Tirmidhi dans son Sunan, dans ses Sunan, après le hadith numéro 2635. Le Cheikh rapporte une autre preuve, il dit, وما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال رجل لاخيه كافر فقد باء به احدهما ووجه الدلاله انه سماه اخاه حين القول وقد اخبر ان احدهما باء بها فلو خرج احدهم عن الاسلام الكليه لم يكن اخاه بل فيه كفر اذا ابخي ابو هريره كان لك المسجد صلى الله عليه وسلم دي L'homme dit à son frère, en mécréant, la parole revient sur l'un des deux. Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre des bienséances, Kitab al-Adab, chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, il est alors comme il a dit, numéro 6103. Écoutez le témoin argumentatif de ce hadith. C'est qu'il l'a appelé comment ? Son frère, lors de cette parole, et qu'il a informé que cette parole revient sur l'un des deux. Et que donc, si l'un les deux sortent de l'islam complètement, il ne serait pas son frère, mais qu'il a une mécréance. Voir Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 355. Alors, Talib al-Ilm, il doit être organisé. Maintenant, vous avez remarqué que souvent on cite quel livre d'Ibn Taymiyyah ? Majmou' al-Fatawa. Et qu'on cite souvent quel volume ? Le 7. Donc, vous savez maintenant, hein, ce volume-là est intéressant pour vous. Et d'ailleurs, comme... C'est peut-être intéressant pour vous d'aller voir et dire un peu dans Majmou' al-Fatawa, pour ceux comme Majmou' al-Fatawa, de relire toutes ces fatwas-là à la lumière de ce qu'on a dit. Hein. C'est important de retourner dans ce genre de livre-là. Ou peut-être de résumer ce qu'on a dit, etc. Il y a un autre frère qui est gradué de l'Université de Médine, qui est Abou Mouad Takhoum Aslam, il m'a dit que Cheikh Abdel Razzaq, il leur donnait comme devoir, il leur prenait par exemple le kitab Iman de Majmou' al-Fatawa, il dit tu me résumes tout le volume. Ça résume. Donc on a dit ici, mais qu'il a une mécréance. On continue, la parole de Cheikh Badmour, sallallahu alayhi wa sallam. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. Et d'après Nu'man, car elle les agrée tous deux, que le messager d'Allah m'a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé. Hadith Hassan, et nous en avons déjà cité les références. قال الترمذي رحمه الله. كمان فنفر الإمام الترمذي رحمه الله. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ. من أبو الإخراج كوليف vous avez une petite note de bas de page ici pour que ce soit pas mal compris ce qu'il dit ici. ليس مراد الترمذي هنا نفي معنى الحديث كالذين رد عليهم أبو عبيد فيما سبق. من أبو عبيد؟ كيف قال أبو عبيد؟ كيف قال أبو عبيد؟ كلا أبو عبيد. On n'a pas cité Abu Ubayd dans un de nos cours. Abu Ubayd, Qasim Nour 1, nous salam. Il a réfuté certaines catégories de gens qui ont des compréhensions par rapport, hein, quatre catégories de gens qui ont des compréhensions par rapport au hadith qu'on avait cité l'autre fois, vous vous souvenez ou pas? Il avait emporté la position des gens de la Sunna du consensus par rapport à ça. Ici, Cheikh Bazmoul, il dit que Tirmidhi, Ahmarullah, il nie pas le sens de ce hadith. Attention. إنما مراده إثبات معناها وأنها تفيد أن هذا الأمر حرام وأن وصف بالكفر تغليظ لها حتى لا يستهان بها وإن كانت من المعاصي والذنوب ليست كفرا مخرجا من الملة. شيخ بزول يفهم point important par rapport à cette parole. Je rappelle la parole de l'imam Tirmidhi comme ça vous suivez. L'imam Tirmidhi l'a dit et ce hadith a été expliqué par certains parmi les gens de science que sa parole il aura certes mécru ou associé que c'est pour montrer la sévérité de la chose. Cheikh Bazmoul dit attention, ce qui est voulu par Tirmidhi ici, ce n'est pas nier le sens du hadith. Comme ce qu'a Abu Ubayd, Qasim Salam, a réfuté comme nous l'avons dit précédemment. Ce qu'il veut dire n'est rien d'autre qu'attribuer son sens et que cela indique que c'est illicite et que la description de mécréance est pour en montrer la sévérité afin que ce ne soit pas sous-estimé. Et ce même si c'est de l'ordre des péchés et des désobéissances, et que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Maintenant, je reviens à la parole de Tirmidhi pour que vous suiviez. Et ce hadith a été expliqué par certains parmi les gens de science. قال Tirmidhi rahimahullah, en fait, c'est le hadith, عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حديثه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى أي الترمذي رحمه الله هذا مثل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. Donc Tirmidhi, pour que vous suiviez bien, je la répète entièrement la parole, il a dit, rahimahullah, et ce hadith a été expliqué par certains parmi les gens de science, que sa parole, il aura certes mécru ou associé. Qui? Pourquoi par exemple, mais il parle de qui? Il aura certes mécru ou associé. Non, c'est ça qu'on parle ici. Que c'est pour montrer la sévérité de la chose, on a dit, qu'est-ce que l'imam Tirmidhi a voulu dire par cela. Et la preuve de cela est le hadith d'Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Omar dire, par mon père, il, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, n'est-il pas qu'Allah vous interdit de jurer par mon père? Wa an Abi Hurayrata, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhadith fihi nafsahu, mata ala shu'batin min an-nisa. Le hadith d'Abu Hurayra que le prophète a dit que celui qui a dit lorsqu'il a juré par Allah et Al-Uzza, par Allah et par Al-Uzza, qu'il dit alors la ilaha illallah. Abu Isa, c'est-à-dire Al-Tirmidhi, il a dit, rahimahullah, cela est comme ce qui a été rapporté du prophète, qu'il a dit, l'entendation est certes une association. Et un savant a expliqué le verset dans la section du sens est, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. C'est le dernier verset de quelle sourate? En disant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans tentation, la yura'i, fin de citation. Voir Sunan Tirmidhi, livre des vœux et des serments, chapitre sur l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, juste après le hadith numéro 1535. Et d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah m'a dit, celui qui meurt sans avoir participé à une expédition, et sans en avoir eu l'attention sera alors mort ayant une caractéristique de l'hypocrisie. On a déjà vu ce hadith, il est rapporté par Muslim dans son authentique livre de la gouvernance, Kitab Imara. On a vu que c'était le plus correct dans la langue arabe, Kitab Imara. Chapitre du blâme de celui qui meurt sans avoir participé à une expédition et sans en avoir eu l'attention. Numéro 1110. Et à sa fin, on avait dit que qui avait dit une parole, Ibn Sa'd. On avait dit, c'est qui Ibn Sa'd? Trois fois dans la tête, là. C'est qui Ibn Sa'd? C'est le cheikh de l'imam muslim. Ibn Sa'd a dit, Abdullah ibn Mubarak a dit, nous voyons que cela était à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقة ونبي صلى الله عليه وسلم بوائقة قال الإمام محمد بن عبد رحمه الله وما أتفق الشارع كفره بذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة وقد أحمد قال أحمد أن يرعوها كما جاءت يعني لا يقال يخرج ولا يخرج ولا لا يخرج ومن سوى هذين القولين غير صحيح. انتهى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. D'après Abu Shurayh, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Il se dit qui au messager d'Allah? Il dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses préjudices. Hadith authentique dont nous avons déjà cité les références. Et l'imam Mohammed bin Abouhab, quand il a fait miséricorde, il a dit, c'est une parole qu'on a déjà citée aussi, et celui dont le législateur a cité de manière absolue la mécréance en raison de péché. Le Jumhur dit qu'il ne sort pas de l'islam. Et Ahmad a dit, citez-les comme ils ont été rapportés. On a déjà vu aussi dans quel livre, au fond, selon l'imam Ahmed, pourquoi il a même cité ce genre de texte de menace, hein, sans des fois les expliquer. Citez-les comme ils ont été rapportés. Voir Al-Fatah ou Al-Mata'il parmi les ouvrages du Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, page 66. Et puis il termine en disant, c'est-à-dire on ne dit pas il sort de l'islam, ni ne sort pas de l'islam. Et toute parole en dehors de ces deux paroles n'est pas correcte, et c'est la référence que je viens de vous citer, page 66. Et quand on dit citer les commissions des rapportés, on parle ici des textes. Hein? Maintenant on a vu cette cinquième règle du texte, on rentre dans la sixième aujourd'hui, on va la finir aussi, inshallah, puis on va rentrer dans la septième, et on ne pourra pas la finir, inshallah. J'étais malade depuis jeudi soir que je suis au lit. C'est la première fois que je vais à la mosquée depuis jeudi soir, je passais le jour moral, etc. J'étais quand même assez malade, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu terminer la septième règle, c'est pas grave, on la terminera la prochaine fois, Inch'Allah. الضابط الثالث يفرق بين تكفير النوع التكفير المطلق وتكفير العين. La sixième règle sur le tekfir, et c'est une règle très très importante, c'est une règle que j'ai beaucoup rapportée, notamment à ceux qui ont des chevaux ici, qui tournent autour de cette mosquée, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna du consensus, qu'on fait la différence est faite entre le tekfir des genres, ou tekfir absolu, et le tekfir sur une personne spécifique. C'est pas la même chose. فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر. أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وثبوت شروط وانتفاء موانع. المقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه انه فلان ابن فلان. التكفير بالنوع كقول من قال من الائمه من قال القران مخلوق فقد كفر. هذا من التكفير بالنوع. والامام احمد قال ذلك ولم يكفر المامون بعينه لانه لم يتحقق لديه انه قد قامت عليه الحجه وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واصل ذلك ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 35. Donc on a dit quoi, c'est quoi cette sixième règle? C'est que la différence entre le tekfir de genre ou le tekfir absolu, tekfir non, tekfir mutlaq, et ce qu'on appelle tekfir mu'ayyan. Et le tekfir sur une personne spécifique. On va expliquer c'est quoi une personne spécifique. Le premier, c'est quoi donc le tekfir de genre ou le tekfir absolu? Il n'y a pas de condition si ce n'est que le genre ressuscité est une mécréance. C'est-à-dire que, il va donner l'exemple dans un instant, il dit, on va parler même Ahmed, quoi, celui qui dit que le Coran est créé, ben c'est quoi? C'est une mécréance. Ça c'est quoi? Un tekfir de genre. D'accord? Donc celui qui dit ça, c'est un mécréant. Un tekfir de genre, c'est absolu. C'est pas une personne spécifique. Quant à la personne spécifique, elle ne peut être jugée mécréante qu'après lui avoir exposé les preuves. Et que les conditions soient réunies et que les empêchements ou barrières soient levés. Ça, c'est une notion qui revient toujours à Shurut al-Mawani'. J'estime à Shurut intifa al-Mawani'. Wa la yatimu hukmu hatta al-Shurut al-Tajtami' wal-Mawani' wa al-Tafi'. Cheikh Sa'di rahimahullah l'a dit dans le Qa'il Fiqhiyya. Le jugement sur quelque chose ne peut être posé que quand les conditions sont réunies et que les barrières soient levées. Il y a même des exemples dans le Mawarif, dans beaucoup de choses, dans les héritages, dans beaucoup de choses. Et ce qui est voulu par la personne spécifique ici, c'est qui? Quand on parle d'une personne spécifique. Bien sûr, le musulman qui connaît de manière spécifique qu'il est un tel, le fils d'un tel. D'accord? Et le textuel des genres, c'est comme la parole de ceux qui ont dit parmi les imams que celui qui dit que le Coran est créé a certes mécru. Écoutez bien cette parole ici, il cherche cela et donc du registre du textuel de genre. Et le ulama, tous les ulama, Cheikh Raslan, Cheikh Al-Taymin, Cheikh Fal-Ismail, Cheikh Hassan Benna, tous ceux à qui on a parlé de ce genre de masla'illa, dont on a lu leurs paroles, ils citent tous cet exemple-là de qui? De l'imam Ahmed avec le Ma'moun. L'imam Ahmed a dit cela, mais il n'a pas jugé. Donc l'imam Ahmed, il a dit quoi? C'est lui qui dit que le Coran est créé, c'est quoi? C'est une mécréance, il a chef. Mais maintenant, est-ce qu'il a jugé le Ma'moun? Mécréant, non. Vous voyez la différence entre les deux? Et l'imam Ahmed a dit cela, mais il n'a pas jugé le Ma'moun de manière spécifique comme étant mécréant. Et ce, car le fait que les preuves lui soient expliquées ne s'est pas réalisé pour lui. Ni que les conditions soient réunies et que les empêchements soient levés. Et l'imam Ahmed, il a été battu, il a été torturé. C'était mihna pour lui, pour les gens de la sunna. D'accord? Et malgré cela, il n'a pas jugé le Ma'moun mécréant. Il dit, cher l'islam, le Tayyim al-Khalifat Miséricorde a dit, et le fondement de cela est que la parole qui est décrétée comme étant mécréante par le Coran et la Sunna et le consensus, il est dit que c'est une mécréance d'une parole absolue, comme cela a été indiqué par les preuves de la législation. Or, l'Ibn Tayyim est clair. Voir Majmou' al-Fatawa, volume 35, page 165. Ici, c'est notre part d'Ibn Tayyim, rahmallah, il va faire, rahmallah, l'ulama qawlan mashhouran. وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح عن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخريده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسير ولا نحكم للمعين في ذلك العام ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. هم دي صمت خد المرسي. Écoutez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, et le fondement de cela est que la parole qui est décrétée comme étant mécréante par le Coran, la Sunna et le consensus, il est dit que c'est une mécréance de manière d'une parole absolue, comme ça a été indiqué par les preuves de la législation. Et il dit aussi qu'à la défense miséricorde, les savants ont deux avis connus, qui sont deux avis rapportés d'Ahmed, Rahimahullah, et les deux avis sont sur les Khawarij. Et ceux qui sortent, Al-Mariqoum, ils appellent, comme Al-Harouriya et Al-Rafida, etc. Et ce qui est correct, c'est que ces paroles qu'ils disent, dont on sait qu'elles s'opposent à ce avec quoi le messager d'Allah est venu, sont une mécréance. Vous savez qu'il y a des avances de l'ulama sur le texte des Khawarij. Ibn Bad, rahmahullah, il voit que c'est des mécréants. Par rapport au hadith. Ayam rukun min ad-din, comme yam rukun tamun aramiyati. Lorsqu'on voit, thumma la yarji'una ilay. Et cetera. Et encore, rajah, incha'Allah, comme l'a dit Shah al-Aymin, et d'autres mécréants, etc. C'est qu'ils ne sont pas mécréants. Allahu a'lam. Et de même, pour leurs actions qui sont du type des actions des mécréants vers les musulmans, c'est aussi une mécréance. Mais juger une personne spécifique parmi eux comme étant mécréante et juger qu'elle sera éternellement en enfer est conditionné par le fait que les conditions pour le tekfir, on a expliqué ce que le tekfir, c'est le fait de juger quelqu'un comme étant mécréant, que les conditions pour le tekfir soient réunies et que les empêchements soient levés. Nous disons de manière absolue les textes de menace et de tekfir et de tekfir. C'est quoi le tekfir? C'est juger quelqu'un mécréant et tekfir, c'est juger quelqu'un comme étant étant pervers. Hein? C'est pas pour quelqu'un mettre une pervers, celui qui dit c'est ça, c'est un fasiq. Pourquoi la même règle? C'est pas quelqu'un qui est super. Vous connaissez la règle de Cheikh Al-Albani, même en réalité, ya ikhwan. Laissa kul man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayh. Walaissa kul man waqa'a fil bid'ati waqa'a fil bid'atu alayh. Walaissa kul man waqa'a fil fisq waqa'a al fisq alayh. Toute personne qui tombe dans la mécréance, ce n'est pas, ça ne nécessite pas que la mécréance s'applique à lui, yannick sans mécréant. C'est-à-dire quoi, toute personne qui tombe dans la mécréance, qui commet un acte de mécréance, n'est pas nécessairement un mécréant. Et toute personne qui commet un acte de perversité n'est pas nécessairement un pervers. Et toute personne qui commet une innovation n'est pas nécessairement un innovateur. Donc je répète ici ce qu'il a dit, il a dit. Nous disons de manière absolue les textes de menace, de textile et de textile, et ne jugeons pas qu'une personne spécifique entre dans cette généralité jusqu'à ce que se confirme ce qui nécessite cela sans qu'il n'y ait rien qui ne s'oppose à cela. C'est pas clair ça. Voir Majmou al-Fatawa, volume 28, page 500 et 501. Il faut bien maîtriser ce genre de notion-là. Quand vous lisez les livres de menhaj, ya ikhwan, je vous conseille, Akhawat, c'est quelque chose que les frères qui me connaissent bien, qui me connaissent depuis des années, qui travaillent avec moi, qui voyagent avec moi, qui sont proches de moi, etc., ils connaissent bien, c'est que j'insiste, ya ikhwan, lisez les livres de menhaj. Ya Akhawat, lisez les livres de menhaj. On veut des frères, on veut des sœurs qui lisent dans le menhaj. Qui lisent les livres de menhaj, qui écoutent les cassettes de menhaj. C'est comme ça qu'on construit son menhaj. Le menhaj, c'est pas ton goût, ou ce que tu penses, ou ce que tu sens, ou ceci ou cela. C'est ce que les ulama, ils ont dit par rapport au kitab, au sunnah, à la femme sahaba. Ça, c'est compilé dans le livre. Lisez l'Ajoub al-Mufida. C'est le Menhaj al-Jadid, Cheikh al-Fawzan, les questions-réponses qui ont été posées dans le Menhaj à Cheikh al-Fawzan, et c'est compilé par son élève, Cheikh Jamal ibn Fouriha al-Hariti, avec plein d'annotations. C'est un livre que Cheikh Zayd il conseille dans un autre livre, que je vous conseille aussi, l'Ajoub al-Athariya. C'est un livre qui vient de sortir l'année passée, en 2012. Donc, c'est en 2012, mais qui est sorti cette année en 2012. Donc, vous avez l'Ajoub al-Mufida, vous avez l'Ajoub al-Athariya. Vous avez un excellent livre du Cheikh Khalid Abou Abdel-A'la al-Misri, qui s'appelle Kawashif al-Jaliya. C'est un livre en fait qui est un cours de Cheikh Ramzan Hajiri, où il rapporte en fait ce qui distingue, ce qui dévoile les da'awas, les prêches hizbi, des prêches salafi. Il rapporte des choses, des signes distinctifs. Comme on a fait dans le Sunnah et dans d'autres livres, etc. D'accord ? Et Cheikh Khalid Abou Abdel-A'la, il a pris ce cours-là. Et il a expliqué, il en a fait un livre. D'accord ? Vous avez donc ces trois livres-là. Vous avez aussi Abou Mouad Hassan al-Iraqi qui a fait un livre qui s'appelle Dourat Dahabiya qui a été présenté par pas mal de savants, il rapporte plein de points dans le ménage, etc. À la fin, il faut lire des livres dans le ménage. Il y a un livre de Cheikh Bezmour, qui est un assez gros volume, qui s'appelle, j'ai peut-être encore quelques copies à la maison, qui s'appelle Al-Mutashabih, c'est le Tekfir wa Jihad. Tout ce qui est ambigu dans le Tekfir wa Jihad, il traite ça de manière détaillée. Il rapporte ça que cette règle à connaissité, c'est un des fondements de l'Ahl-Sunnah al-Jama'a. Cheikh Al-Abou Abdel-A'la, dans son livre Kawashif al-Jaliya, il rapporte qu'une des choses par laquelle distingue les gens de la Sunna des autres, ou plutôt, comment tu sais que quelqu'un ne fait pas partie des gens de la Sunna, ben c'est dans ce qui touche le tekfir. Et Inch'Allah, dans la 15e règle, on va citer un grand passage en détail, parce qu'il rapporte la fameuse parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh, que je cite souvent dans mes cours, que je n'ai jamais cité en complet parce qu'elle est très longue, qui est une interview que Cheikh Saleh Ali Cheikh a avec un journaliste après des attentats qui ont été faits à Riyad. Il parle des khawarij et des jeunes, etc., qui sont dans ce genre de fikr, de tekfir, etc. Et il rapporte des règles. Il rapporte quelque chose de très important, qu'on va voir, Inch'Allah, lors de cette 15e règle, Inch'Allah. C'est le fait que le tekfir, il revient au ulama, aux enracinés dans la science. Il revient au juge en islam. Il revient pas à n'importe qui. Tandis que toi, il te suffit, Cheikh Saleh Ali Cheikh, tu saches que quelque chose de mécréant. Pourquoi ? Pour préserver ta aqida. Mais toi, après que tu juges les gens, c'est pas à toi. Ça c'est très important de comprendre ça. Que les tekfirines, ils viennent des choubois et des ambiguïtés qui sont très détaillées. Et donc nous, on a besoin d'un ilm détaillé. D'accord ? Et je vous rappelle la belle parole sur la dîme qui dit que ce qui préserve des ambiguïtés, c'est quoi ? L'ilm. Et ce qui sont des, ce qui préservent des désirs et des passions, c'est ta Torah. Tu ne sais pas savoir quelque chose qui est ambigu, si c'est ambigu, que c'est la vérité ou pas, si tu n'as pas les haines, tu ne sais pas savoir ça. C'est pour ça qu'il faut construire notre manhaj sur des livres, côté des cassettes de Meshir, côté des cassettes de Sheikh Rabia. C'est Allah Ta'ala, le porteur des tendances de Jarouh al-Ta'il à cette époque-ci, parmi les imams de la Sunna, dans des places de Muqtadi'a, Sheikh Abed al-Jabiri, imam de Salafiyya. Et comment est-ce que les gens de Sheikh Rabia, en fait, les gens de Sheikh Abed de nos jours. Sheikh Rabia, dans le Hajj tweeté, c'est pour les frères qui ont vu sur Twitter, Sheikh Rabia, à ce Hajj-ci, il a dit quoi? Il a dit quoi? À des frères qui étaient là en présence sur Tahab.net, si vous voulez trouver sur le forum Tahab.net, que Sheikh Abed est un imam dans la Salafiyya. Mettez-vous des gens qui critiquent sur Ahmed Jadir. Écartez-vous d'eux. Et je sais ce que je dis. Et je sais de qui je parle. Hein? Écartez-vous d'eux. Sur Ahmed Jadir est un imam. Écoutez les cassettes de Sheikh Ahmed Jadir, et lisez ses livres. Écoutez les cassettes de Sheikh Mohamed Ben Hadi Madkhali. Et si vous pouvez vous lier aux livres des anciens, lisez vos livres des anciens. Sheikh Mohamed Ben Hadi Madkhali, il fait chaque kitab Ibn Battah. Ibn Battah. Allahu Akbar. Il a fait Ba'ad al-Qaboul, le Hafl al-Hakami. Hein? Sheikh Rabi, il a fait Aqidat Ashab al-Hadith. Aqidat Salaf Ashab al-Hadith. L'imam Sabouni. Il a fait sur son sunnah. On a fini, alhamdoulilah, en français. Pour les frères qui n'étaient pas là, les sœurs qui n'étaient pas là, ils peuvent le retrouver sur notre site. Alhamdoulilah. Vous avez Usul Sunnah al-Humayd. D'ailleurs, Usul Sunnah d'Imam Ahmed, il est sorti le Sharh de Sheikh Abed. Sharh Sunnah de Barbahari, il est sorti le Sharh de Sheikh Abed. Et de Sheikh Najmi et de Sheikh Rabi en deux tomes. Donc je vous annonce que l'Ibana, Inch'Allah, il va sortir. Sheikh Rabi en 4 tomes, Inch'Allah. Hein? Vous avez Aqidat al-Raziyyin, Sheikh Rabi aussi. Vous avez Usul Sunnah d'Imam al-Humaydi. Il faut connaître, comme je disais, on disait ça aux enfants de Salafis, quand je dis vous devez connaître vos ulama et vous devez connaître vos livres. Hein? Il faut qu'on connaisse nos livres, il faut qu'on connaisse nos savants. Vous avez Usul Sunnah d'Imam al-Humaydi, rahimahullah. Sheikh Abid, il l'a expliqué, c'est publié en un livre déjà. Hein? Vous avez Usul Sunnah d'Ibn Abi Zamanin, Afdal Bukhari, Ahmadullah, il l'a fait, la prescription, c'est imprimé en un livre aussi. Hein? Tous ces livres-là, c'est des livres où on apprend notre manhaj. Et le ulama, dans les livres de manhaj, il parle de la position des gens de la Sunnah du consensus par rapport au tekfir. Il rapporte cette règle-là. Donc quelqu'un qui contredit cela, il est. Je crois que c'est pas un salaf. C'est pas un salaf. Il a dit, à part avec une règle, c'est que quoi? C'est que. On fait la différence entre tekfir le nord et tekfir l'aïn. Le tekfir le nord et tekfir le moyen. Et les ulama, ils ont des règles là-dedans. D'ailleurs, Cheikh Raslan, hein, je ne sais pas si je l'ai amené, mais je pense que je suis sorti un peu vite, je l'ai oublié. Hein, il a une risala qui était publiée. Vous retrouvez d'ailleurs la base de cette risala qui est un cours qu'il a fait sur son site en vidéo, qui s'appelle dans le tekfir le moyen. Les règles sur le tekfir spécifique, avec une personne spécifique. Tout est arrivé à la queue là-dessus. Et il utilise un mot que j'ai rappelé moi à Cheikh Falah Ismaïl quand on a eu des gestes sur le tekfir, etc. avec certaines personnes qui voulaient me faire des problèmes et qui voulaient m'asseoir devant le Cheikh. Ça s'est retourné contre eux, alhamdoulilah. Hein, que quoi que Cheikh Rassel, il a dit Qoyoud bin Hadith. Il a dit c'est des conditions en métal, en fer. Cheikh Falah, il a dit non. Cheikh Falah Ismaïl, il a écrit un livre qui s'appelle quoi? Nazaat al-Tekfir. Et lui-même, Cheikh Falah Ismaïl, et je lui dis, cher, j'ai dit tout votre livre, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit, rappelle-moi, j'ai dit, cher, vous dites que ça revient à l'âme, elle a dit, bien sûr, ça revient à l'âme. Et je vous ai apporté la parole de Cheikh Hassan al-Banna. Quand je lui dis qu'il y a des gens qui obligent les frères à juger mes créances, ils disent que ça revient pas que ça, quand même l'ami peut juger mes créances, il a dit, trouvez un quelqu'un d'âgé dans la mosquée, que leur fasse nasiha, et s'il ne veut pas qu'il trouve un autre mégide où prier. Il n'y a pas, hein, ménage. Je rappelle que Cheikh Hassan al-Banna, il a plus de 80 ans, c'est parti des savants de Salafi, et Cheikh Abdullah Aziz bin Bar, rahmatullah alayhi, avait demandé de venir enseigner à l'université de Médine. Septième règle sur le tekfir. Le tabi de Sabi'a. Qiyam al-Hujja la bouda minou inda irada du tekfir al-Mu'ayyan. وذلك بثبوت encore une fois cette règle شروط اندفاء موانع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا اختلاف شيخ فلاح إسماعيل لا غفير الله دوره، ها؟ قد يجي له، ها؟ يعني déjà qui était un peu chaud sur le message des textes, etc. Cheikh, il a cité ce verset-là, et après, il s'est levé, il lui a répondu par rapport à ce verset-là. Et Cheikh lui a répondu. Regardez l'adab déjà. Cheikh, il a cité ce verset-là. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَثُبُوتُ الشُّرُوطِ يُقْصَدُ بِهَا تَحَقُّقُ الْعِلْمِ مُنَافِي لِجَهْلٍ وَتَحَقُّقُ الْقَتْلِ مُنَافِي لِعَدَمِهِ وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير وهي مقابلة لشروط التكفير وتنحصر في أربعة أمور. الأول الجهل المنافي للعلم، الثاني التأويل، الثالث الخطأ، الرابع الإكراه. ودليل على الإكراه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم. سورة النحل. وقال خد يخسر. Donc la sixième règle, c'était quoi, on a dit les frères? C'est que les gens de la Sunna du consensus, ils font la différence entre quoi? Entre le texte des gens au texte de la Sunna et le texte d'une personne particulière, d'un individu spécifique. Un tel, le fils d'un tel. D'accord? Septième règle, il faut absolument présenter les preuves lorsqu'on veut juger une personne spécifique comme étant mécréant. Ce qu'on appelle Iqam al-Hujja. Il dit, et cela avec la réunion des conditions et l'absence des empêchements ou des barrières, si vous voulez. Et c'est en raison de la parole d'Allah dont la traduction du sens est, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Regardez là, il est roi. Regardez. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sur Isra, verset 15. Cher, il dit, ce qui est voulu par la réunion des conditions, c'est la réalisation de la science qui s'oppose à l'ignorance. La réalisation de l'intention qui s'oppose à son absence. Et le sens de l'absence des empêchements, c'est-à-dire que le fait que les barrières soient levées, si vous voulez, c'est ce qui empêche le jugement des tekfirs, et ils, les empêchements, font face aux conditions. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand pour juger quelqu'un de spécifique, ça revient par nous, mais nous on apprend notre dit. Comme Cheikh Falah Ismaïl est conseillé à faire ta fin, il a dit, ces messages-là sont trop compliqués pour nous. Nous on les apprend à la fin dans Talab, il a dit Cheikh Falah Ismaïl. Parce que c'est comme les chers Salih Al-Shir dans la vidéo que je vais rapporter, l'interview, elle est, pour les frères qui veulent déjà la voir, elle est déjà sur YouTube, hein. Elle est déjà sur Internet. Ça s'appelle Dawabit Tekfir Mu'ayyan, ou bien Hiwar, Ma'a Cheikh Salih Al-Shir, Hawla Tekfir. C'est plus d'une heure avec un journaliste qui répond aux questions du journaliste, Cheikh Salih Al-Shir. On apprend ces choses-là que quoi, qu'il y a des conditions qui doivent être réunies et quoi? Des empêchements, des barrières qui doivent être levées. Vous comprenez bien ça. Donc, la première des barrières, c'est quoi? L'ignorance, déjà. Qui s'oppose à quoi? À la condition qui est la science. La deuxième barrière, c'est l'interprétation, ce qu'on appelle la ta'wil. On va venir dire un exemple tout à l'heure, avec quelque chose qui s'est passé avec Omar Bakhattab et Ali, en fonction de certaines personnes qui ont juger le fait de consommer l'alcool comme étant halal parce qu'ils avaient un ta'wil d'un verset de surat al-Ma'ida. Et Omar et Ali, ils n'ont pas jugé mécréant. Pourquoi? Parce qu'ils ont su, ils ont su que quoi? Ils avaient mal compris un verset. Ils avaient mal interprété un verset. Troisième empêchement, l'erreur, le khata. Le quatrième, la contrainte, l'ikra. Maintenant, il va rapporter un par un. D'accord? Et puis, il va enlever des preuves. Maintenant, ici, c'est pas le sujet du cours, c'est n'avoir qu'à l'islam. Donc, on va apporter ce genre de preuves, de règles-là, etc. Mais pour une explication plus détaillée, il y a des livres qui ont été écrits. D'ailleurs, en 2012, maintenant, qui a été imprimé cette année, un livre de Sarabiyat. C'est quoi le titre? Al-Udru Biljal. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ça. Et Inch'Allah, je veux vous rapporter, Inch'Allah, que j'hésite un peu mal à dernier jour et je ne voulais pas trop rajouter pour aujourd'hui non plus. Mais c'est qu'une parole de Cheikh Rabi'a qui est disponible sur Sahab et qui est disponible dans le Jumal Fatawa Cheikh Rabi'a aussi, que quoi que les frères, écoutez bien cette parole, les frères qui tournent autour du l'Udr Biljal, on en a ici, qui viennent prier avec nous dans cette mosquée, ils tournent autour du l'Udr Biljal, etc. Ce sont quoi? Ce sont des haddadiyah qui essaient de diviser les salafis. Donc parler de ça, il rapportait des paroles des soi-disant des salafs, etc. Et il essaie de forcer de dire qu'il n'y a pas d'Udr Biljal. Sans revenir au tafsir des ulama, sans revenir à l'explication des ulama, etc. Faites attention à ce genre de personnes. Pour moi, qu'il ait dit, c'est Cheikh Rabi'a. Ce n'était pas pour rien qu'il ait écrit ce livre-là en 2012. savoir qu'il y a des postes qui ont été écrits de Cheikh Rabia récemment, sont en tête de Sahab, cultivés par des milliers de personnes, etc. Et Cheikh, justement, il rapporte qu'il y a un nouveau vent de la Hadadiya qui arrive. Il faut savoir ce qui se passe, Yahya. La preuve de la contrainte, le délit sur l'ikrah, c'est la parole d'Allah dans la traduction du sens. Et quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sincérité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Surat Nahl, verset 106. Oui, le verset est wadih. Il l'a même okriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Sauf celui qui était contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Maintenant, il rapporte un dalil sur quoi ? Donc ça, c'est le premier mani'a qu'il a cité ici, c'est quoi ? L'ikrah. Deuxième qui va citer, c'est quoi ? Al-Khata. Ou al-Dalil al-Khata. Ma ja'a al-Anas ibn Malik. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه كذلك إذا هو بها قائمة عندهم فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. إخوتي من مدرسة أحاديث. Alhamdulillah, on n'a pas beaucoup de science, mais c'est avec ce genre d'ahadith-là qu'on a développé beaucoup de tekfiri depuis presque 10 ans maintenant, alhamdulillah. C'est en connaissant ce genre de nonsense-là. Il y a des choses, il y a des mawani, etc., tu leur apportes l'adil-là. En sachant que, vous rappelez, dans le sunnah, il ne faut pas débattre avec les gens d'innovation. On a eu des fois parlé avec eux dans certaines circonstances et sur certaines conditions parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici ? La preuve de l'erreur. Ce qui était rapporté d'après Anas ibn Malik, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est certes plus joyeux concernant le repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans une terre déserte. Et dont la monture s'est échappée portant sa nourriture et ses boissons. Et qui a perdu espoir. Et qui s'est rendu auprès d'un arbre et s'est couché sous son ombre, désespérant de retrouver sa monture. Et qui, alors qu'il est dans cette situation, la monture est debout. La monture est debout à côté de lui et il en prend les rênes, puis dit, dû à sa joie extrême, c'est-à-dire qu'il va dire une parole, tellement qu'il est joyeux, il va se tromper en fait. Il dit quoi ? Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. C'est l'opposé évidemment qu'il aurait dû dire, mais tellement qu'il était content de retrouver sa monture, il s'est trompé. Qui a dit qu'il s'est trompé ? C'est pour moi, regardez le hadith. Il s'est trompé en raison de sa joie extrême. Ahpa'am ou Sintati Farah. Le hadith, il dit, c'est pas bon. Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre des supplications, chapitre du repentir numéro 6309, en résumé, et rapporté par Muslim dans son authentique, dans sa hadith qu'on appelle comment ? Mutafaqun alayh, livre du repentir, chapitre de l'incitation au repentir et dans son réjouir. Numéro 2747, et la formulation ici est la sienne, c'est-à-dire celle de l'imam Muslim, rahimahullah. Donc on a rapporté une preuve sur l'ikra. C'est quoi la preuve de l'ikra ? C'est le verset de surat Al-Nahl, verset 106. On a rapporté sur le khata, c'est le hadith d'Anas ibn Malik dans le Bukhari ou le Muslim. Puis maintenant on va rapporter sur le ta'wil. Le dalil al-ta'wil, hadith d'Abi Huraira radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma hadarahu al-maut qala li banih, idha ana mittu fa ahriquni, thumma tahruni, yafzu riwayata, thumma dharruni fi ar-rih. Wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adhibanni عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وفي رواية مخافتك يا رب فغفر له الحديث أبو لابخذ لا تفقتاسيون لكم ici c'est quoi le mot d'interprétation. Le hadith d'Abu Huraira, Abu Huraira, quand elle a dit que le prophète a dit, c'est quoi le nom de la ville le plus forte chez les gens qui ont que le nom d'Abu Huraira ? Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Il y a beaucoup d'avis. J'ai écrit un post une fois sur Twitter. avec les différents avis, etc., ce que le ulama dit. Et pourquoi il était après Abu Huraira, par Abu Hirra, hein, c'est un tesghir de Hirra. Pourquoi? Parce qu'il avait, hein, une petite chape dans sa manche, hein, et que le prophète a donné le nom d'Abu Huraira. Le hadith d'Abu Huraira, quand on a écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme avait exagéré dans le fait de commettre des péchés. Et lorsque la mort vint à lui, il dit à ses enfants, si je meurs, brûlez-moi, et puis réduisez mes cendres en poussière, puis dispersez-les dans le vent, car par Allah, si Allah me ramenait à lui, il me châtierait d'un châtiment dont il n'a jamais châtié personne. Lorsqu'il mourut, cela fut fait, et Allah donna un ordre à la terre en disant, regroupe ce qui se trouve en toi de lui. Et elle le fit. Et le voilà debout. Allah dit alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit, ma crainte envers toi, mon Seigneur. Et il lui pardonna. Et dans une autre version du hadith, ma peur envers toi, ô mon Seigneur, et il lui pardonna. Hadith rapporté par le Bukhari dans son authentique livre des prophètes, chapitre de l'histoire de la caserne, hadith al-Ra, numéro 3481, et Muslim dans son authentique livre du repentir, chapitre de l'étendue de la miséricorde d'Allah, numéro 2619. Donc c'est un hadith qui prend encore une fois, allez, si quelqu'un veut demander une preuve sur quoi? Sur l'Ikra, sur le Nahl verset 106. Hein? Il y a des hadiths aussi, il faut savoir. Sur le Khata, hadith, Anas ibn Malik dans le Bukhari et Muslim. Maintenant sur le Khata, le hadith de qui? D'Abu Huraira, hein? Donc, sur quoi? Sur le Ta'wil d'Abu Huraira, sur le Ta'wil dans le Bukhari ou Muslim. Il rapporte Ibn Taymiyyah, il parle de Ibn Taymiyyah, il dit, قال ابن تيمية رحمه الله فعاد رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذري بل اعتقد أنه لن يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, cet homme douta de la capacité d'Allah et dans le fait qu'il le ramène alors qu'il est en poussière. Mais de plus, il crut qu'il ne serait pas ramené. Cela est une mécréance à l'unanimité des savants, des musulmans. Mais il était ignorant et ne savait pas cela. Et il était croyant et avait peur qu'Allah le châtie. Et donc Allah lui pardonna en raison de cela. Et celui qui fait l'interprétation incorrecte, c'est ce qu'il faut comprendre ici, parmi les gens qui font l'effort d'interprétation et qui désirent ardemment le suivi des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est plus en droit de ce pardon que ce genre de personne. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa, volume 3, page 231. Et maintenant, on dit, wa dalil mali al-jahl. Donc on a parlé de quoi? On a parlé d'ikra, on a parlé de rapa, on a parlé de ta'wil, mais on a parlé de jahl. Et déjà, je ne pense pas qu'on pourra le finir aujourd'hui, inshallah, mais on va déjà remporter une partie. Wa dalil mali al-jahl. Et il fait une note de page par rapport à ça. Il dit, c'est quel jahl ici qui est considéré comme un adr, attention. Al jahl alladhi yu'adaru bih, wa alladhi yakunu biduni taqsir min sahibihi. Fa yakunu qad talab al ilma wa kana lahu alayhi mablaghuhu min al ilm. Amma man a'rada 'an al su'al wa ma'rifati al haqq, fa hadha min bab al kufr al tawalli wa al i'rad. Ici, quand il dit, il a preuve de la barrière de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui t'empêche de juger quelqu'un mécréant, c'est qu'il soit ignorant. Il dit, ici, sur l'ignorance par laquelle on est excusé, c'est laquelle? Il dit, c'est l'ignorance qui n'est pas due à l'axiome de celui qui la possède. Et donc, il a cherché la science. Et c'est sur quoi il est à la limite de sa science. On dit que celui qui se détourne du questionnement et de la connaissance de la vérité, cela fait partie de la mécréance du détournement et de délaissement. Donc, chérie, dit la preuve de la barrière de l'ignorance. Est-ce que nous avons déjà cité la parole d'Allah dans la traduction du sens est? Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager, sauf qu'Isra, on a déjà rapporté verset 15. On a qu'on ne mu'adzibina hatta nab'atha rasoula. Il rapporte une autre parole de Métimia. Qual ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlul ilm wa sunnah, la yukaffiruna man khalafahum, wa in kana dhalika al-mukhalifu yukaffiruhum, li'anna al-kufra hukm shar'i. فليس للإنسان أن يعاقب من مثله كما كذب عليه أو زنى بأهله، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا. وقد ثبت في صحيحين حديث الذي قال لأهلي إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، والله لئن قدر علي قدر الله علي ليؤذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فأمر الله البر فرد ما أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. فذا اعتقاد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لن يعيده أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. ولهذا كنت أقول الجهمية، كنت طالب من لا درني، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. انظر رد على البكري لابن تيمية في الخير كتاب الاستغاثة. ابن تيمية قال لفاتن زيكورد الذي Les gens de science et de la sunna ne jugent pas mécréants ceux qui les opposent. Et c'est même ceux, si ceux qui s'opposent à eux les jugent mécréants, car la mécréance est un jugement légiféré. Et donc il n'appartient pas à une personne de punir en faisant la même chose au même titre que celui qui ment sur toi ou fornique avec ton épouse. Il ne t'appartient pas de mentir sur lui ou de forniquer avec son épouse, car le mensonge et la fornication sont illicites en raison du droit d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Sunnah sont justes. Hein? C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un soit devant moi qui me juge mécréant. C'est pas pour autant que hein, je me retrouve à le juger mécréant pour autant, parce que nous on a des règles, on a des qawaïd à laquelle on se tient. Et Al-Sunnah ont une face. Hein, comme disent les ulama, Al-Sunnah la yuqabiluna dhulm bi dhulm. Al-Sunnah, ils ne font pas face à la justice par une injustice. Ils se tiennent à leurs règles, ils se tiennent à leurs consuls. Quoi qu'on leur dise. Donc Cheikh dit, car le mensonge et la fornication sont illicites en raison du droit d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De même, juger une personne spécifique comme étant mécréante et l'autorisation de la tuer sont conditionnées par le fait que lui arrive la preuve prophétique. Donc celui qui s'y oppose mécroit. Sinon, ce n'est pas que toute personne qui ignore une chose de la religion mécroit. Et c'est pour cette raison que lorsqu'un groupe parmi les compagnons, et ça c'est un dalil que moi je citais beaucoup à certains qui ont des choubes de tekfir, etc., et que le alim est cité dans leur livre. C'est pour cette raison que lorsqu'un groupe parmi les compagnons et des tabi'un comme Qudama ibn Mad'un et ses compagnons ont jugé la consommation d'alcool comme étant licite, ils ont pensé que cela était autorisé pour celui qui faisait des actions vertueuses, en raison de ce qu'ils ont compris du verset de Surat al-Ma'idah. Quel verset de Surat al-Ma'idah ? لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Hein, c'est le verset de 93 de Surat al-Ma'idah, dont la traduction du sens est « Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition et qu'ils fassent de bonnes œuvres, et qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. » Qu'est-ce qu'ils ont cru ? Hein ? Et bien, ils ont dit que quoi ? Ils ont mal interprété le verset. Ils ont pensé que cela était autorisé pour celui qui faisait des actions vertueuses. En raison de ce qu'ils ont compris de ce verset de Surat al-Ma'idah. Les savants des compagnons étaient unanimes, tels Omar et Ali, radiallahu anhum, et d'autres, sur le fait qu'il fallait leur demander de se repentir, ce qu'on appelle les kitabas. Et que s'ils s'obstinaient à juger cela licite, ils auraient alors mécru. Et que s'ils étaient d'accord, ils devaient être flagellés. Ça veut dire quoi ? Hein? Ils avaient une mauvaise interprétation, un ta'wil. Vous comprenez ça? Et donc, les ulama parmi les sahaba, ils ne les ont pas jugés mécréants, mais ils leur ont fait ce qu'on appelle, ils ont demandé le kitab, ils leur ont demandé de tout. Et que s'ils n'acceptaient pas, alors à ce moment-là, ils étaient quoi? Hein? Et si, sinon, ils devaient être quoi? Flagellés. Joulido, comme l'a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh Ibn Taymiyyah continue en disant, ils ne les ont pas jugés directement mécréants, en raison de l'ambiguïté qu'ils avaient, jusqu'à ce que la vérité leur apparaisse, et que donc ils s'obstinent à dénier, ils sont alors mécréants. Il est rapporté de manière authentique dans les deux authentiques, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, le hadith de celui qui dit à sa famille, si je meurs, brûlez-moi, puis jetez mes cendres dans la mer. Car par Allah, si Allah me ramenait à lui, il me châtierait d'un châtiment dont il n'a châtié personne, hein, parmi les gens du monde, des deux mondes, les alamin. Allah ordonna alors à la terre qui rendit ce qu'elle avait pris de lui, et il ordonna à la mer qui rendit ce qu'elle avait pris de lui, et dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit, ma crainte envers toi, ô mon Seigneur, et il lui pardonna. Celui-là, donc, c'est toujours rapport du Bétimia, celui-là donc crut que s'il faisait cela, Allah ne serait pas capable de le ramener. Et que donc il ne le ramènerait pas. Ou il a autorisé cela. Et les deux sont une mécréance. Mais il était ignorant et la vérité ne lui est pas apparue d'une manière dont s'il s'y opposait, il aurait mécru. Et donc Allah lui pardonna. Écoutez cette parole du Bétimia, Rahimallah. Et c'est pour cela que j'avais dit au Jamia, parmi les Hululiyah, on va expliquer dans une fatwa de Cheikh Rabi' qu'est-ce que ça veut dire le hululia. Il y a la différence entre hulul et wahdat al-wujud. Et j'avais dit aux jahmiyyah parmi les hululia et les nufah, hein, ce qu'ils font nafi al-nufah, qui dénient qu'Allah est au-dessus du trône lorsque la preuve est arrivée. Regardez ce qu'Ibn Taymiyyah leur a dit. Moi, si je suis d'accord avec vous, j'aurais alors mécru. Car je sais que votre parole est une mécréance. Et vous, en ce qui me concerne, vous n'êtes pas mécréants, car vous êtes des ignorants. Et cela s'adressait à leurs savants, et à leurs juges, et à leurs chouïurs, et à leurs gouverneurs. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah, voir Radd al-Bakri, Talkhis, Kitab al-Istighatha, page 258 à 260. Et vous voyez que même les salafs qui réfutaient déjà les gens d'innovation, hein, parce qu'il y a certains qui croient que c'est un nouveau ménage inventé par Cheikh Rabi', hein. Et on rapporte encore quelques paroles, puis on va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah. وقال رحمه الله toujours Ibn Taymiyyah, فإن بعد معرفة ما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من أموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور ولذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit Ibn Taymiyyah qu'à la lui fasse miséricorde, nous, à travers ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, nous savons par nécessité qu'il n'a pas été légitimé à sa communauté d'invoquer qui que ce soit parmi les morts, ni les prophètes, ni les vertueux, ni personne d'autre, ni par la formulation de demandes de secours, ce qu'on appelle l'istighatha. Hein? On a dit c'est quoi talab al-ghawf, wa huwa izalatu shidda. Les ulama ont dit que c'est la définition entre l'isti'ana et l'istighatha. L'isti'ana c'est talab al-aoun, wa l'istighatha c'est talab al-ghawf. C'est une définition à connaître par cœur, les frères. C'est dit dans les shuruhat des kitab al-tawhid. L'isti'atha c'est talab al-ghawf, wa huwa izalatu shidda. C'est-à-dire que c'est deux demandes de secours, deux demandes d'aide, mais qu'il y en a une qui est en situation de difficulté. Donc, ni par la formulation de l'istirata, ni par la formulation de demande de secours, ni par aucune autre formulation, ni par la formulation de demander de demande de protection, c'est-à-dire quoi l'istirata, talab al-aouz, ni par aucune autre, comme il n'a pas été légiféré à sa communauté de se prosterner pour un mort, ni pour autre qu'un mort, etc. Mais de plus, nous savons qu'il a interdit tout cela, et que cela fait partie de l'association qu'Allah le Très-Haut et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, mais en raison de la prédominance sont interdites, mais en raison de la prédominance de l'ignorance et du peu de science, des preuves du message chez beaucoup des dernières générations, ils ne sont pas jugés mécréants en raison de cela, jusqu'à ce que, avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu leur apparaître clairement, distinct de ce qui s'y oppose. Et c'est pour cela que je n'ai jamais clarifié cela à quelqu'un qui connaisse le fondement de la religion, sans qu'il prenne conscience et dise « cela est le fondement de la religion ». Et certains grands parmi les chouurs qui connaissent parmi nos compagnons ont dit « cela est la chose la plus importante que tu nous aies clarifiée, et ce en raison de leur science que cela fait partie du fondement de la religion ». Fin de citation d'Ibn Taymiyyah. Voir Majmou al-Fatawa, volume 3, page 354. Alors ça, ce n'est pas le parole claire d'Ibn Taymiyyah, hein. Encore une autre parole d'Ibn Taymiyyah. وقال رحمه الله إن المقالة تكون كفرا كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغ الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد الإسلام ونشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بحجة شيء مما أنزل على مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومقالة الزلمية هي من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. Ibn Taymiyyah dit qu'à la fin de miséricorde, la parole peut être une mécréante. Comme le fait de renier la prière, et la zakat, et le jeûne, et le pèlerinage, et juger licite la fornication, et la consommation d'alcool, et les jeux de hasard, et marier les femmes interdites au mariage. Puis celui qui dit cela, il se peut que les paroles à ce sujet ne lui soient pas parvenues. Et donc celui qui renie cela n'est pas mécréant en raison de cela. Comme celui qui convertit depuis peu, ou qui a grandi dans une contrée lointaine, où les législations de l'islam ne lui sont pas parvenues. Celui-là, on ne le juge pas mécréant en raison du fait qu'il a renié quelque chose parmi les choses qui ont été révélées au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il n'a pas su que cela a été révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles d'Al-Jahmiya sont de ce genre, car c'est un reniement de ce qu'est le Seigneur le Très-Haut et de ce qu'Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, on aura encore trois pages, je pense, pour terminer cette règle-là. Et puis, on rentrera dans la huitième règle, Inch'Allah, qui fait deux pages. Donc, on devrait la faire la semaine prochaine aussi, Inch'Allah. La neuvième, elle fait une page un tout petit peu. On pourra peut-être la faire toujours là aussi, Inch'Allah. Je ne sais pas jusqu'où on arrivera, mais il se peut que قلنا في بلد يزين والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.